Dossier 1. Livre, page 13. Question B. La mère. Farid, quel jour tu as des cours de mathématiques? Farid. Le dimanche, de 8h à 9h30, et le jeudi, de 9h50 à 11h20. La mère. Et l'anglais? Farid. L'anglais, c'est le mardi, de 8h45 à 9h30, et le jeudi, de 11h35 à 12h20. Mais pourquoi, maman, tu veux savoir les horaires de ces deux matières scolaires? La mère. Je vais passer au collège le jeudi pour voir les deux professeurs de maths et d'anglais et m'assurer de ton niveau.